sous le soleil, chanter, aimer, serrer fort son ami. Moi j'avais cru trop longtemps que c'était ça la vie. J'ai 20 ans.